au cœur rends-tu mauvaise langue? Pourquoi tu fais ta mauvaise langue? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais ta mauvaise langue? Qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? Tu passes sur mon palier en espérant trouver quelque chose à brailler sur mon sujet. Merde, je suis pas d'humeur, je vais t'empailler la bouche ouverte. Tu passes sur mon palier en espérant trouver quelque chose à brailler sur mon sujet. Merde, je suis pas d'humeur, je vais t'empailler la bouche ouverte. Qu'est-ce que t'as? Non, j'ai rien à cacher comme j'ai rien à prouver. Si tu veux savoir, t'as qu'à demander. On est parti te faire DJ à remixer ma vie. Mais si tu savais que tes rumeurs me laissent un large sourire, que ta salive me sert à nettoyer mes semelles, que mon majeur se dresse sur ta jalousie. Pour toutes ces bouches de vieilles qui se mêlent de mon cul, qui se traînent pour un suppôt, me donne la chasse et des envies de mercato. Tu veux chercher la merde, t'as qu'à demander, je te l'ai déjà dit. Sur ta gueule, je peine, tu salives de trop. Mais j'ai que du pull bouillant à t'offrir en guise de viande pour hydrater ton goulot. À force de trop parler, tu finiras déshydraté, merde. Tu papes sur mon palier en espérant trouver quelque chose à brailler sur mon sujet, merde. Je suis pas d'humeur, je vais t'empailler la bouche ouverte. Tu papes sur mon palier en espérant trouver quelque chose à brailler sur mon sujet, je suis pas d'humeur, je vais t'empailler la bouche ouverte. Anti-mauvaise langue, je suis issu du scarcho. Le voisinage de scrut et de guette. Alors connaître où t'as vite fait d'avoir une étiquette dans le dos. Ou quand t'arrives en grosse caisse avec tes fesses sur la banquette arrière, t'es forcément à ma cour, un dealer de carme. Je suis issu du scarcho. Quand t'as les dernières baskets à la mode, c'est que tu pèses ou la victime JATR. Pourquoi tes mauvaises langues? Je suis issu d'un quartier où quand t'as les dernières baskets à la mode, t'es respecté. Issu de ce quartier, quand tu fais le bol à l'arraché à l'épicier pour simplement manger. Pour les gens, tu fais partie d'un gang organisé. Issu de cette jeunesse qui fait du taxi. Basket pour s'évader de la tête, c'est de la misère du côté des lumières de la capitale. Pour voir ce que les gens disaient des vrais, mais elle est belle simplement dans les rêves de cet enfant qui est hors de la France. C'est pas le rêve américain. Je m'exprimais pour cette jeunesse où les parents sont sans papier, mais travailler sur tu la santé depuis des années. Adapté mais pas régularisé. Ces arcs qui seront construits, c'est d'où se prend cherpé de leur jeunesse. Mais cet état les a mis de côté. Je prends l'émissaire, l'esprit à leur sujet. Viens pas me coller l'étiquette du gangster dans le dos. Je suis issu de cette époque où quand t'es au RMI, c'est moi un voyou qui ne veut pas travailler. Issu de cette mentalité où t'es jugé sur ton physique, où l'endroit où t'habites et où simplement sur ton CV. Anti-mauvaise langue, je suis issu de ce quartier. Le voisinage de strict et de guette à leur fenêtre, où t'as vite fait d'avoir une étiquette dans le dos. Où quand t'arrives en grosse caisse avec ses fesses sur la banquette arrière, t'es forcément à ma cour, un dealer de carme. Je suis issu de ce quartier où quand t'as les dernières baskets à la mode, c'est que tu pèses ou la victime JATR. Pourquoi tes mauvaises langues? Ouais. Nous sommes issus d'une jeunesse qui vit de braquage, de drogue, d'argent sale, de stress et de paresse. Mais ça, c'est les mauvaises langues qui nous scrutent, nous guettent derrière leurs fenêtres qu'ils le disent. Et qui sait? Anti-mauvaise langue, je suis issu de ce quartier. Le voisinage de scrutes et de guettes à leur fenêtre. Où t'as vite fait d'avoir une étiquette dans le dos. Ou quand t'arrives en grosse caisse avec ses fesses sur la banquette arrière, t'es forcément à ma cour, un dealer de cam. Je suis issu de ce quartier. Où quand t'as les dernières baskets à la moise, c'est que tu pèses.